entrez donc, entrez tous dans le bal. Voici le carnaval. Offrez-vous du phénoménal. On voit ça au carnaval. Connaissez-vous les bacchanales? On voit ça au carnaval. Voulez-vous de l'original? On voit ça au carnaval. Si vous êtes sentimental, on voit ça au carnaval. L'amour est extra-conjugal, on voit ça au carnaval. Pour éviter d'avoir un rival, on voit ça au carnaval. Cachez donc votre femme dans un bocal, ça fait mal le carnaval. Le vin coule et l'on devient pompette, on voit ça au carnaval. Les idées s'embrouillent dans la tête, on voit ça au carnaval. Un poisson joue de la clarinette, on voit ça au carnaval. Un cobra qui lit sans ses lunettes, on voit ça au carnaval. Un cheval embrasse une bicyclette, on voit ça au carnaval. Votre épouse qui vous fait la risette, on voit ça au carnaval. C'est un carnaval. Allez, allez, entrez, entrez. Entrez donc, mesdames et messieurs, entrez dans le carnaval. Pardon. Entrez donc, mesdames et messieurs, dans le carnaval. Oh, pardon. Entrez donc, entrez tous dans le bal. Entrez tous dans la bacchanale. Et longue vie au dieu jovial. Sa Majesté Carnaval.